l'effort, mon égoïsme pue la mort. Je vous ai dit ma haine, je vous oublierai quand même. Hey, je n'aurai de repos que lorsque croupira au fond d'un lac l'hydre du pouvoir et de l'or. Quel est cette date chimique putride qui nous transforme en moutons? Existe-t-il des esprits nains pour espérer la lune évolution? Quel est cette date chimique putride qui nous transforme en moutons? Existe-t-il des esprits nains pour espérer la lune évolution? Vous tous, capitaines et despotes, infâmes, assassins, des amants du bonheur. Je conteste les politiques, les centrales, les bombes. Je dis méfiez-vous, un jour elles claqueront. Vous voulez me faire marcher au paysage des étendards? Je me suis déjà fait avoir, je n'ai plus d'étendard. Vous voulez me faire marcher au paysage des étendards? Je me suis déjà fait avoir, je n'ai plus d'étendard. Les nations, les états empêchent la charogne totalitaire. Nous serons libres que t'en être à quelle autre chose, mes frères. Et pour cette chanson, payez-moi, oui, payez-moi en dollars. À cause de mon ignorance, ces phrases sont bien fades.